Bonjour et bienvenue dans ton Morning Bisoy, édition du samedi. On prend le week-end avec élégance, avec de la musique, avec un peu de respiration et avec des idées pour profiter de la journée. J'espère que tu t'es bien réveillé ce matin, que tu as passé une bonne nuit. J'espère que tu es en week-end. Ou alors si tu ne l'es pas, eh bien je te souhaite une bonne journée et un bon courage pour le taf. Nous, ici à Bisoy, on t'accompagne tout au long de la journée, du lundi au dimanche, et la semaine suivante, ça recommence. Et on démarre ce samedi avec Dreams de Fleetwood Mac. C'est tout de suite sur Bisoy. Bon réveil avec nous. De Fleetwood Mac, Dreams, que tu peux traduire en français par rêve au pluriel. C'est un morceau qui flotte un peu au-dessus du temps, parfait pour un samedi matin plus doux. Et il a cette élégance particulière des grands titres qui n'ont pas besoin de se presser pour capter l'attention. On laisse l'ambiance s'installer tout doucement. Et oui, c'est le week-end. On prend le temps de ne rien faire, pourquoi pas. Mais voilà, on prend le temps. On se détend. Tout va bien. Pour la petite minute curiosité de ce samedi matin, il faut savoir que le week-end, notre perception du temps change souvent, d'ailleurs même pendant les vacances. Quand on relâche un peu les contraintes, les minutes semblent parfois plus longues, plus souples ou plus respirables. Perso, j'aurais dit que quand on est en vacances ou au week-end, on a l'impression que le temps passe plus vite. Après, c'est à l'appréciation de chacun. C'est l'un des effets les plus agréables du samedi. Hein. Le cerveau cesse de courir après l'heure et recommence à simplement habiter l'instant. Ça, c'est vrai aussi en week-end ou en vacances. Vu qu'on n'a pas cette pression d'aller au taf à telle heure, de revenir à telle heure, eh ben, le cerveau peut se détendre ainsi que ton corps. Allez, on enchaîne avec Rehab de Amy Winehouse, dont on salue la mémoire. On lui rend un petit hommage ce matin avec ce morceau. Je suis sûr que tu l'as déjà entendu et je te le passe tout de suite sur Bisoy. I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. Voilà, c'est un titre au caractère fort et reconnaissable dès les premières secondes, ainsi que la voix d'Amy Winehouse qui était si particulière. Je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est un morceau qui mélange attitude, swing et franchise avec une présence vocale qui donne immédiatement de la personnalité au morning et à la chanson. Et je sais qu'Amy Winehouse était une artiste très très appréciée, hein, malheureusement, tu le sais certainement, qui est malheureusement décédée à l'âge de 27 ans il y a quelques années. Voilà, ce sont malheureusement des choses qui arrivent, mais on va pas se laisser péter le moral, on va dire. Hein. Je te propose tout de suite des bons plans culturels. D'habitude, je t'en propose deux. Là, je vais t'en proposer trois car je suis d'humeur généreuse en ce samedi matin. Et on commence avec le festival Festitaf. Donc, dès demain, le 26 avril, retrouve un concert de la Bajon au théâtre de Thouars dans le département des Deux-Sèvres en Nouvelle-Aquitaine. En effet, la tournée triomphale de la Bajon passe par Thouars et le Festitaf au théâtre de Thouars, Audace et Provocation seront au programme. Hein, on connaît l'humour de la Bajon, tout le monde y passera, donc si tu as prévu de t'y rendre, eh bien prépare-toi à en prendre plein la tête, car il y a des chances que tu t'en prennes plein la tête. Hein. Voilà, je vais pas te le cacher. On continue avec le Ballet of Lights Cendrillon dans un spectacle étincelant. Hein. Si tu es à Paris aujourd'hui, ou non loin de Paris, et que tu aimes les spectacles de danse et les princesses, ou alors si tu as un enfant qui aime les princesses, qui est fan des princesses et qui... Par exemple, si tu as une fille qui veut devenir une princesse, eh bien, tu as rendez-vous dès aujourd'hui à La Scala, dans le 10e arrondissement de Paris, pour le spectacle Ballet of Lights, Cendrillon dans un spectacle étincelant. On continue avec l'élection de Miss Vosges. Eh oui, ce samedi 25 avril, donc aujourd'hui, le casino de Plombières-les-Bains accueillera l'élection de Miss Vosges 2026 lors d'un dîner-spectacle à guichet fermé. Sous les projecteurs et les regards, 10 candidates espèrent succéder dans ce concours de beauté à Ambre de Verte, Miss Vosges 2025. Donc qui sont ces 10 candidates? Tu le sais, les candidates ont chacune un numéro, donc je vais te donner le numéro ainsi que le nom ainsi que la ville d'où la candidate vient. Donc tapez 1 pour Rebecca Beaupied de Remiremont. Tapez 2 pour Claire Benoît de Bugnéville. Tapez 3 pour Stella Grosjean de Gérardmer. Tapez 4 pour Pauline Mangin de Mirecourt. Tapez 5 pour Ségolène Marchal de Harold. Tapez 6 pour Dina Mégoufel d'Épinal. Tapez 7 pour Camille May de Gérardmer. Tapez 8 pour Justine Palmarola de Saint-Michel-sur-Meurthe. Tapez 9 pour Maxine Thirier de Bruyère. Et tapez 10 pour Lydie Toussaint de La Baffe. Je vais te répéter les numéros car je suis peut-être allé un petit peu vite. Là, je vais prendre un peu plus de temps. Donc, tapez 1 pour Rebecca Beaupied de Remiremont. Tapez 2 pour Claire Benoît de Bugnéville. Tapez 3 pour Stella Grosjean de Gérardmer. Tapez 4 pour Pauline Mangin de Mirecourt. Tapez 5 pour Ségolène Marchal de Harold. Tapez 6 pour Dina Mégoufel d'Épinal. Tapez 7 pour Camille May de Gérardmer. Tapez 8 pour Justine Palmarola de Saint-Michel-sur-Meurthe. Tapez 9 pour Maxine Thirier de Bruyère. Et tapez 10 pour Lydie Toussaint de La Baffe. Tu pourras aller voir sur internet si jamais tu n'as pas tout mémorisé, car il faut savoir que les votes seront uniquement ouvert aujourd'hui de 8h à 20h. Pour soutenir une candidate, il faudra envoyer Miss MI2S, donc MISS, suivi du numéro de la candidate que je t'ai donné au 72018. Hein, par contre, attention, c'est 75 centimes plus prix du SMS. Ces votes s'ajouteront à ceux glissés dans l'urne par les invités lors de la soirée. Et les 4 candidates qui auront recueilli le plus de votes seront soumises à celui du jury. Et la gagnante aura la chance de participer ensuite au concours de Miss Lorraine pour espérer représenter la région lors de la grande finale Miss France qui devrait arriver aux alentours de la fin de l'année 2026. Pour l'instant, la date n'est pas connue, mais voilà, dès qu'on en sait plus, on te tiendra au courant. Allez, pour garder cette ambiance feutrée mais vivante, voici Come Away With Me, Viens avec moi de Norah Jones. Je te le passe tout de suite sur Bisoy. A tout de suite. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. Une respiration musicale tout en douceur qui était parfaitement, qui fait parfaitement le lien entre réveil tranquille et matinée paisible. Hein, c'est samedi, on prend le temps comme on a dit tout à l'heure. C'est le morceau qu'on écoute comme on ouvre une fenêtre, doucement mais avec plaisir, doucement mais sûrement. Allez, on s'approche tout doucement de la fin de ce morning, mais avant ça, je vais te partager l'horoscope Bisoy. Et comme d'habitude, on commence par les béliers. Prends ton temps, le week-end n'aime pas la précipitation. Taureau, bonne journée pour savourer les choses simples. Gémeaux, une discussion légère peut devenir très enrichissante. Cancer, tu auras besoin d'une ambiance rassurante aujourd'hui. Lion, une sortie te fera du bien. Vierge, le tri mental compte autant que le tri matériel. Balance, joli potentiel de détente et de plaisir. Scorpion, une intuition te guide vers la bonne personne ou vers le bon lieu, ou pourquoi pas vers les deux. Sagittaire, l'appel de l'extérieur se fait sentir, suis cet appel. Capricorne, tu décroches un peu et c'est mérité. Verseau, une envie nouvelle peut apparaître en cours de journée. Et enfin, Poisson, ambiance créative, douce et inspirante pour ce 25 avril 2026. Voilà, merci d'avoir partagé ce samedi matin avec le Morning Bisoy. On se retrouve demain pour continuer ce week-end en musique. Et oui, on est là du lundi au dimanche même avec ce Morning. Et quant à toi, tu peux continuer à profiter du bon son qu'on te propose en restant connecté sur l'antenne. Hein, Bisoy, soit sans vivre ou en anglais, be, feel, vibrate. Et tu sais pourquoi, tu le sais très bien, je te le dis régulièrement, car Bisoy, c'est le son qui bouscule les codes. Allez, salut et à demain !